Le mystère dure depuis exactement 60 ans. Le mystère qui entoure la catastrophe aérienne au cours de laquelle l'ancien préfet de police de Paris, Jean Quiap, a trouvé la mort. On le sait, son avion a été mitraillé au-dessus de la Méditerranée. Mais par qui et pourquoi ? Quiap venait d'être nommé par le gouvernement de Vichy haut commissaire en Syrie et au Liban. Il rejoignait son poste lorsque l'avion où il avait pris place a été abattu et s'est abîmé en mer. La personnalité du préfet, personne n'a oublié que sa révocation avait été à l'origine des émeutes de février 1934, l'importance stratégique de sa mission au Proche-Orient, le contexte historique, tout concourait à auréoler de mystère cette catastrophe aérienne. Alors, qu'en est-il vraiment ? A-t-on voulu se débarrasser du nouveau haut-commissaire en Syrie ? Ou son avion, un appareil civil aux couleurs d'Air France, a-t-il été abattu par erreur ? Il y a quelques semaines, pensant à l'anniversaire proche de cette affaire, la disparition de l'avion a eu lieu le 27 novembre 1940, j'ai posé la question à M. X. Il m'a avoué tout de suite n'avoir pas de lumière particulière, mais il m'a promis de se renseigner. À l'époque, en effet, il avait gagné Londres. Londres, où justement se trouvait peut-être le secret de cette histoire, au sud de la Sardaigne. Bon, voyons d'abord les faits, si vous le voulez bien. Je vous écoute. L'ordre de mission de Jean Quiap prévoit que l'ancien préfet doit prendre place dans un avion assurant la liaison régulière entre la France et la Syrie. Un avion civil, donc ? Tout à fait. Et c'est la compagnie Air France qui est en charge de cette ligne qui relie Marseille, Marignane à Damas via Tunis. Et l'avion, c'est ? C'est un appareil récent, un Farman quadrimoteur de grande dimension, relativement lent, mais très sûr. Voilà. Donc un avion qu'on ne peut pas confondre avec un appareil militaire ? En aucune façon. D'autant qu'à la différence des avions militaires, il n'arbore pas de cocarde, mais simplement des bandes tricolores qui sont les couleurs de la compagnie Air France. Précision essentielle, en novembre 40. La France n'est plus en guerre. Depuis l'armistice de juin 40. Oui, et le vol est signalé, comme il se doit, à la commission d'armistice franco-italienne. Ouais. Et l'équipage ? Le commandant de bord est un as, un héros, même, c'est Henri Guillaumet. L'ami de Saint-Exupéry, oui, hein ? Oui, celui que l'écrivain a mis en scène dans Terre des Hommes. Naufragé dans la cordillère des Andes, au temps glorieux de l'aéropostale, il a fait, selon les mots mêmes de Saint-Ex, ce qu'aucune bête au monde n'aurait fait. C'est-à-dire qu'il a réussi au prix de 1000 souffrances et malgré une terrible tempête de neige à marcher pendant plusieurs jours dans la montagne et à rejoindre le monde civilisé. Mmh. Je me souviens, oui. Donc le vol devrait se passer sans encombre. En principe, oui. J'ajoute que les autres membres de l'équipage sont de la même trempe que Guillaumet. Tous des hommes expérimentés. Et Quiap surmonte ses appréhensions lorsqu'à 9h du matin, ce 27 novembre, il embarque à bord du Farman sur l'aérodrome de Marseille-Marignane. Mm-hmm. Pourquoi il a des appréhensions, Quiap ? Parce que tout simplement, l'ancien préfet a peur en avion. Ah bon. Il se console en pensant qu'il pourra observer son île natale au cours du vol. Son île natale, c'était à la Corse, oui, bien sûr. Quiap est né à Ajaccio. Ouais. Et comment se déroule le vol ? Enfin, autant qu'on puisse savoir. Hein. On a des éléments de réponse grâce aux communications du radionavigateur. Le DUF, qui demande régulièrement à Marignane de lui confirmer son relèvement. Mmh. Jusqu'à midi, aucun problème. Le Farman suit la route prévue. Il se trouve maintenant à la verticale du sud de la Sardaigne. Mais soudain, à midi, 5 très précisément, la station radio-gonométrique de Tunis capte un message de détresse. Sommes mitraillés. Feu, SOS. Puis il y a aussitôt un deuxième message, SO. Le début de SOS. Oui, et à ce moment-là, l'appareil doit chuter ou même déjà plonger dans la mer. Tout ça va nous passer très rapidement. Très très vite. Ouais. Et on sait à quelle altitude volait le Farman ? À peu près à 2000 mètres d'altitude. Mm-hmm. Et les recherches ont été effectuées, en fait, tout des recherches. Suite. Oui, tout de suite. Un avion décolle Tunis dès le début de l'après-midi et survole le lieu présumé de la catastrophe. Mais une bataille aéronavale est en cours au sud de la Sardaigne et l'avion doit vite rebrousser chemin. Une bataille entre qui et qui ? Des forces aéronavales britanniques et italiennes. Et cette bataille avait déjà commencé lorsque le Farman a survolé la zone ? Vraisemblablement, oui, mais on en reparlera plus tard. Ouais, je veux bien. Enfin, c'est un point essentiel. Hein. Si le quadrimoteur s'est souvent retrouvé au beau milieu des belligérants, il a pu recevoir des projectiles qui ne lui étaient pas destinés. C'est une possibilité, mais d'abord voyons la suite. Le lendemain, le 28 novembre à l'aube, un bateau français, le Typhon, appareille de Bizerte. En début d'après-midi, il est sur zone. Les marins repêchent quelques débris d'avion et un gilet de sauvetage marqué Air France, mais c'est tout. Donc il n'y a pas de survivants ? Aucun, non. Et trois jours plus tard, sur les ordres de Pierre Laval, le gouvernement publie un communiqué accusant la chasse anglaise d'avoir abattu l'avion qui transportait Jean Quiap. Est-ce que les autorités de Vichy ont alors la preuve que ce sont les Anglais qui ont mitraillé l'appareil ? Pas du tout. Mais pour Laval, cette accusation est politiquement intéressante. En effet, après l'épisode tragique de Mercel Kébir, tout ce qui peut renforcer l'anglophobie des Français est le bienvenu. J'ajoute que l'accusation passe, pardonnez-moi l'expression, comme une lettre à la poste. Mais personne ne met en doute, donc. Non. Pourquoi alors? Parce qu'elle semble logique. Expliquez-moi. Pétain et Laval viennent de se lancer dans la politique de collaboration. Mais peu de temps avant, c'est vrai qu'il y a eu Montois. Oui, la rencontre entre le maréchal et Hitler, immortalisée par la photo de la célèbre poignée de main. C'est là, fin octobre, qu'a été décidée la collaboration entre la France de Vichy et le Troisième Reich. Et lorsque Jean Kiappe, fraîchement nommé haut commissaire en Syrie et au Liban, s'envole pour le Proche-Orient, personne ne doute qu'il va là-bas pour faire pièce aux Anglais. Parce que le Liban et la Syrie, il faut le rappeler, étaient alors sous administration française. Et nous avions là-bas 25 000 hommes, donc une forte présence militaire. Une présence fidèle à Vichy. Exactement. Et qui le restera jusqu'en 1941, où de violents combats opposeront ces militaires aux Français libres et aux Anglais. Ouais. Donc on peut penser que si Kiappe va là-bas, c'est justement pour s'opposer à une mainmise anglaise sur ces territoires. Oui, des territoires stratégiquement très importants dans le cadre du conflit mondial. Par conséquent, dans cette affaire, Kiappe peut légitimement être considéré comme un adversaire des Anglais. Il est donc logique que ceux-ci aient cherché à le supprimer. Oui, d'accord, mais encore fallait-il que Londres ait été informé du départ de Kiappe. Vous avez raison, c'est un point crucial. Alors, qui savait à propos du départ là? La nomination de Kiappe, même si elle a été discrète, a été rapidement connue dans les milieux bien informés. Et comme Londres ne manquait pas d'informateurs dans le personnel politique de Vichy, la nouvelle a été immédiatement transmise de l'autre côté de la Manche. Mais ce qui importait, ce n'était pas la nomination, c'était de connaître la date du départ. Et le moyen de transport que l'ancien préfet allait utiliser. Car il y avait plusieurs possibilités. Le train, le bateau ou l'avion. Et en dernier sort, qui a choisi? Le gouvernement. Et naturellement, le secret a été exigé. Ouais. À Vichy, on avait donc des craintes. Ça me paraît évident. Parce que je vous l'ai dit, l'enjeu était de taille. Et Kiappe semblait être l'homme capable de faire en sorte que la Syrie et le Liban demeurent dans le giron de Vichy. Donc la moindre indiscrétion pouvait être fatale. Et est-ce que lui-même, Jean Kiappe, mesurait le danger? Certainement. Et d'ailleurs, avant même son départ, on le lui a fait savoir. Et qui À Vichy, peu après sa nomination, Kiappe prépare sa mission. Et sur les conseils du ministère des Affaires étrangères, il dîne avec le cheikh Tajeddine. Qui est-ce de... Un ancien chef d'État syrien, donc un homme particulièrement bien informé sur les affaires du Proche-Orient. Or, ce soir-là, Tajeddine lui donne un curieux conseil. Quoi? Il lui dit de garder le plus grand secret sur la date de son départ. Tajeddine semble donc penser que Kiappe est menacé. À l'évidence, oui. Et il est bien placé pour le savoir, vous allez voir pourquoi. Mais Kiappe, tout juste avant de partir pour Marseille, reçoit un autre avertissement. Cette fois, c'est l'ambassadeur d'Égypte qui le prévient. Et dans les mêmes termes? Non, l'Égyptien est encore plus précis. Il affirme que l'intelligence service est décidée à tout faire pour empêcher Kiappe de gagner son poste. Par conséquent, il lui conseille de ruser, d'annoncer un itinéraire fictif et d'en choisir un autre au dernier moment. Ah, ça me semble sage, en effet, oui. Mais à Vichy, on a déjà tout préparé pour le voyage de Kiappe et il n'est pas question de changer quoi que ce soit. Ouais. Et malgré les menaces, là? Malgré les menaces, ouais. Oui. Et il est certain que les fonctionnaires vichysois portent là une lourde responsabilité, mais on en reparlera. En attendant, moi, je voudrais revenir sur ce Tajeddine, hein, c'est ça, dont on a dit qu'il avait de bonnes raisons d'être parfaitement informé. Qu'avez-vous voulu dire? Bon, c'est très simple. Tajeddine était un agent anglais. J'ai retrouvé le communiqué publié le 30 novembre 1940 par les services de Pierre Laval. J'en extrais ces quelques lignes. Monsieur Jean Kiappe, ambassadeur, haut commissaire en Syrie et au Liban, vient de trouver la mort dans des circonstances dramatiques. Il avait quitté mercredi dernier la France en avion pour rejoindre son poste à Beyrouth, la première escale devant être Tunis. En survolant la Méditerranée, l'avion qui le portait a été mitraillé en plein vol par un avion de chasse anglais, mercredi à midi, à moitié chemin entre la côte de la Sardaigne et la côte d'Afrique. L'avion de M. Kiappe a adressé le message suivant. Sommes mitraillés, avion en feu, SOS. L'agression dont a été victime l'avion d'Air France a dû se produire alors que l'avion traversait des barrages où se livrait un engagement naval entre bâtiments anglais et italiens. D'après les renseignements qui sont parvenus, il résulte en effet que deux porte-avions britanniques avaient mis en l'air des patrouilles de chasse. L'avion d'Air France, non armé, peu rapide, offrait ainsi une cible facile. Suit dans ce communiqué un hommage à Jean Kiappe, grand serviteur de l'État, et au pilote Henri Guillaumet. Mais revenons sur la dernière information que m'a donnée M. X. Le cheikh Tajeddine était un homme des Anglais. Je sais ce que vous allez me dire. Si Tajedine travaillait pour l'ombre, pourquoi a-t-il averti Cap qu'il courait un danger? C'est exactement ce que j'allais vous demander. Hein. En effet, très curieux. S'il savait que l'intelligence service avait vraiment l'intention de supprimer Cap avant même qu'il n'arrive en Syrie, il jouait contre son camp en le prévenant. Ce n'est pas si sûr que cela. Il pouvait aussi s'agir d'une manœuvre d'intoxication. C'est-à-dire? Imaginez qu'il ait bluffé. Vous voulez dire qu'il est tout inventé? Exactement. Ouais. Mais dans quel but alors? Lui faire peur, le dissuader d'accepter une mission périlleuse. Donc si je vous suis bien, cette menace n'aurait été qu'une fable. C'est une possibilité, comprenez-moi bien. Je veux simplement dire que ce Tajedine a peut-être pris sur lui d'inventer cette menace sans savoir vraiment quelles étaient les intentions de Londres. C'est pas parce qu'on est un agent de l'intelligence service qu'on est dans le secret des dieux. Mmh. Conclusion, la responsabilité anglaise dans le mitraillage de l'avion n'est pas exclue. Disons qu'elle est plausible, aujourd'hui comme hier. Ouais. Autre chose, est-ce que la personnalité de Jean Kiap en faisait une cible particulièrement attractive pour les Anglais? Question intéressante. Vous voulez parler de ses convictions politiques, n'est-ce pas? Bien sûr, Kiap était quand même un homme très à droite, peut-être même un homme d'extrême droite. D'extrême droite, je ne pense pas. Et pourtant, 34... Justement, en 1934, vous voulez qu'on en parle? Volontiers, enfin, quelques mots. Quelques mots d'abord, d'accord. Sur la carrière de Jean Kiap, il est né dans une famille de notables ajacciens qui a donné à la République beaucoup de diplomates, de magistrats et d'officiers. J'insiste sur ce point car chez les Kiap, malgré un lointain cousinage avec les Bonaparte, on est avant tout républicain. Ouais. Et lui, Jean, que choisit-il? Il fait son droit. Et comme la famille Kiap ne roule pas sur l'or, il choisit la fonction publique à l'issue de ses études. Juste à la fin du siècle, il trouve un emploi de rédacteur au ministère de l'Intérieur. Une place bien modeste. Hein. C'est vrai, mais le jeune homme est ambitieux, intelligent petit à petit, et même assez rapidement, il gravit les échelons. Tant et si bien qu'il devient le secrétaire général de ce ministère où il a commencé de façon si obscure. Une jolie réussite, ça. Oui, ce n'est pas fini. Bientôt, au début des années 20, il est nommé directeur de la Sûreté Générale. Chef de la police, quoi. Oui. Ouais. 3 ans plus tard, sous le gouvernement Poincaré, il devient préfet de police. C'est la consécration. Et Jean Kiap va longtemps régner sur la préfecture de police, 7 longues années. Jusqu'en 34, donc. C'est cela. Et Kiap, je n'ai pas peur de le dire, est un préfet exceptionnel. C'est-à-dire? En très peu de temps, il devient un personnage public très populaire. Ce petit homme énergique, souriant, toujours très élégant, sait se faire aimer. On parle sans cesse de lui dans les journaux, on cite ses bons mots, on applaudit ses initiatives, comme par exemple la pose de clous sur les chaussées pour faciliter la circulation des piétons. Et les passages cloutés, c'est lui, alors. Mais cet homme du monde est quand même le chef de la police parisienne. Oui, il lui arrive de faire de la répression. Mais il se vantera à juste titre de n'avoir jamais fait couler de sang pendant les 7 ans qu'il a passé à la tête de la préfecture. Et politiquement? C'est d'abord un homme d'ordre. Un conservateur? Bien sûr. Il est certain que Kiap n'a nulle sympathie pour les gens de gauche et tous ces agitateurs communistes ou socialistes qui manifestent régulièrement sur le pavé parisien. Et 34 va arriver. Oui. Durant les années qui ont précédé, le climat social et politique n'a cessé de se dégrader. La grande crise qui a secoué l'Amérique en 1929 rattrape la France. Mm-hmm. Le marasme économique s'ensuit et le nombre de chômeurs s'accroît dangereusement. Et puis en plus, il y a la stabilité ministérielle. Propre, c'est ça, oui, la Troisième République. Et un certain nombre de scandales politico-financiers. Stavisky. En particulier. Mm. Les mouvements de droite et d'extrême droite, les fameuses ligues qui recrutent beaucoup chez les anciens combattants, en profitent pour orchestrer une véritable fronde anti-parlementaire. Et c'est le célèbre slogan « Abat les voleurs ». Oui, le slogan des canaux du roi qui viennent manifester jusque devant le palais Bourbon. La situation semble si grave que le nouveau président du Conseil, le radical Édouard Daladier, envisage de faire appel à la troupe pour rétablir l'ordre et imposer le calme aux militants des ligues. Alors, quelle est l'attitude du préfet de police Jean Kiap face à cette agitation? Disons qu'il réagit plutôt mollement. De toute évidence, ses sympathies personnelles le portent plutôt vers les manifestants. Donc il ne fait pas de zèle, bien au contraire. Et ça lui vaut, fin janvier 34, d'être limogé par le ministre de l'Intérieur, le socialiste Eugène Fraud. Et c'est justement, je crois me souvenir, cette révocation qui va mettre le feu aux poudres. Oui, enfin, prétexte ou pas, les ligues se servent de ce limogeage pour appeler à une grande manifestation contre le gouvernement et les députés. Ce sera donc le 6 février 1934. Une véritable bataille rangée entre les forces de l'ordre, les manifestants et les contre-manifestants. On relèvera une petite vingtaine de morts et des centaines de blessés. Ouais. Mais revenons à Kiap. Il a donc été le héros, entre guillemets, de ce sanglant 6 février 1934. En quelque sorte, oui. Et cela fiche son image. Pour la gauche, l'ancien préfet est désormais étiqueté homme d'extrême droite. Et ça lui collera à la peau jusqu'à sa mort en 40. Mmh. Et que devient-il après avoir été révoqué? On lui a proposé d'être résident général au Maroc. Il a refusé. Et bientôt, il obtient une belle revanche. En 1935, il est élu conseiller municipal de Paris. Et ses amis de droite le portent à la présidence de ce conseil. Ouais, le voilà maire de Paris, quoi. Oui, même si la fonction n'existe pas encore. Kiap est donc lancé dans la politique, il se fera encore élire député de Corse. Mais son élection sera invalidée. Et finalement, il deviendra député de Paris, du 16e arrondissement, je crois. Ouais, c'est donc maintenant un homme politique. Et un homme qui s'est raidi, comme son gendre Horace de Carbuccia, le propriétaire du journal d'extrême droite Gringoire. Il mène une lutte active contre le gouvernement de Front Populaire et tout ce qui s'apparente au marxisme. Mmh. Et alors, quand vient la défaite et la prise du pouvoir par Pétain ? Jean Kiap ne prend pas part au vote qui donne tous les pouvoirs au maréchal. Ouais, mais il ne fait quand même pas partie des 80 et quelques députés qui votent contre. Non, il ne va pas jusque-là. En fait, Kiap est circonspect. Il se méfie. Et pourtant, apparemment, ce sont désormais ses amis politiques qui sont au pouvoir. C'est vrai, oui. Mais comme d'autres hommes qui se situent comme lui à droite de l'échiquier politique, il n'approuve pas la politique de collaboration. Et à plusieurs reprises, il refuse divers postes qu'on lui propose. Quoi, par exemple ? Il refuse de devenir à nouveau préfet de police de Paris. Parce qu'il a déjà été préfet ? Non, parce que ce poste capital l'obligerait à travailler avec les Allemands. Oui, mais attendez quand même, en acceptant de devenir haut commissaire en Syrie et au Liban, il fait tout de même allégeance au maréchal Pétain. C'est exact. Donc il accepte la collaboration. Encore une fois, c'est vrai. Alors pourquoi ce revirement ? Ben, honnêtement, je ne sais pas. Mais sans doute pensait-il qu'en étant nommé dans un poste très éloigné de Vichy, il aurait toute l'attitude pour défendre les intérêts de la France à sa façon. Mais il ne pouvait pas deviner qu'en acceptant cette mission, on l'envoyait à la mort. Kiap était-il réellement un homme politique d'extrême droite ou simplement un homme d'ordre, comme l'affirme M. X ? Alain Decaux, dans un volume édité chez Perrin, a consacré un chapitre de ses nouveaux dossiers secrets à la mort de Jean Kiap. Il cite un discours du député à la Chambre le 2 juillet 1936. Kiap vient d'apprendre que son élection va être invalidée. Sous les huées des députés de gauche, il réagit avec une grande violence, je le cite. « Vous savez bien que si j'étais resté préfet de police, on n'aurait jamais vu le drapeau rouge dans les rues de Paris, on n'aurait jamais vu tant de domiciles violés, tant de personnes séquestrées, on n'aurait jamais vu 72 communistes sur les bancs de cette chambre. » Puis il poursuit malgré la bruyante hostilité de la gauche. « Sachez, messieurs, que celui que vous allez frapper est le même qui n'a jamais eu qu'un guide, la loi, une foi, la patrie, un idéal, la liberté. Le même qui, pendant 7 ans, a maintenu l'ordre, malgré les pires provocations, sans excès, sans violence, sans la moindre effusion de sang. Il est le même qui vous a gardé contre vous-même, socialistes et communistes, et qui vous a séparé dans vos luttes fratricides, et qui se flattait, préfet ou citoyen, de s'opposer toujours aux manœuvres des ennemis de la France et des fauteurs de guerre civile, de tous ceux qui, sciemment ou inconsciemment, risquaient d'appauvrir notre pays au-dedans et de le diminuer au-dehors. Et je cite les communistes mousquetaires, je cite les objecteurs de conscience, je cite les étrangers qui trahissaient la confiante hospitalité de notre terre d'asile, je cite les espions du Comintern et les agents du GPU que j'ai démasqués et fait arrêter. » Je pense que cette citation particulièrement éclairante se suffit à elle-même. Est-ce que la personnalité de Kiap, plutôt favorable aux Ligues avant-guerre... Hein, aux Ligues, donc aux fascistes, soyons clairs, car Kiap, qu'il l'ait voulu ou pas, était devenu le symbole de tous ces gens pour qui Mussolini avait eu les yeux de chimère. Oui, d'accord, mais est-ce que ça pouvait être un argument supplémentaire pour ceux qui voulaient éventuellement se débarrasser de lui ? Pourquoi pas ? Il est certain qu'il existait à Londres, dans le cercle des Français libres, des gens qui n'avaient aucune tendresse pour M. Kiap. Et d'ailleurs, là-bas, on ne va pas pleurer quand on apprendra sa disparition, bien au contraire. Ouais. Vous avez dit précédemment, et c'est très grave, hein, on a envoyé Kiap à la mort. Et je ne retire rien de ce que j'ai dit quand on examine les faits. Seulement les faits, c'est bien ce qui apparaît. Ouais, ça mérite quand même quelques explications. Hein. Je ne vais pas me dérober. Réexaminons donc dans quelles circonstances le voyage de Kiap a été décidé. Un voyage risqué, vous l'avez dit. Hein. C'était évident. Mais il y avait d'abord eu ces avertissements que Kiap avait personnellement reçus. Oui, mais est-ce que Vichy en était au courant enfin... Bien évidemment. Lorsque la nouvelle de la nomination de Kiap a été connue, la BBC, dans ses éditions françaises, l'a commentée. Et quel était le sens général de ce commentaire ? En gros, Kiap était accusé d'aller faire la politique de l'Allemagne en Syrie, au Liban. Ça veut dire que les autorités de Vichy, qui ne manquaient jamais d'écouter Londres, savaient qu'une menace planait sur l'ancien préfet. Mais ça imposait donc qu'on prenne des précautions particulières pour son voyage. Hein ? Logiquement, oui. Mm. Et d'abord, puisqu'on désirait qu'il parte en avion, on pouvait par exemple le faire voyager de nuit pour limiter les risques d'interception. Mm. En fait, pourquoi absolument l'avion ? J'imagine qu'à Vichy, on voulait que Kiap soit en place à Beyrouth le plus rapidement possible. Car on craignait une intervention britannique. Britanniques là-bas. Des Britanniques accompagnés de représentants des Français de Londres, naturellement. De Gaulle avait échoué devant Dakar. Oui, c'est ça. Oui. Mais les 25 000 militaires français présents en Syrie et au Liban représentaient un objectif prioritaire. S'ils basculaient du côté du rebelle de Londres, la position de ces derniers s'en trouverait considérablement renforcée. Il était donc logique que Vichy envoie là-bas le plus vite possible un homme à poigne. Ouais, comme cap. Alors je comprends mieux la nécessité d'emprunter la voie des airs. Et pourtant, le successeur de Cap, lui, rejoindra son poste par le chemin de fer. Ah ouais. Après la mort de l'ancien préfet, ça s'explique aisément, non? Oui, mais restons-en à la voie aérienne, puisque c'est le choix des autorités de Vichy. On pouvait toutefois imaginer un vol spécial. Alors que vous m'avez dit, Cap a pris la ligne régulière de la France. C'est-à-dire une ligne parfaitement repérable. Et un avion civil, donc plus vulnérable. Exactement, et des horaires connus. Mmh. À Vichy, est-ce qu'on disposait d'avions militaires? Bien sûr. Le général Bergeret, qui était alors ministre de l'aviation, disposait par exemple d'un avion personnel capable de relier Marseille à Beyrouth d'un coup d'aile. Il aurait donc pu transporter Cap dans de meilleures conditions de sécurité. D'autant plus que l'heure de départ et l'itinéraire choisi auraient pu être gardés secrets jusqu'au dernier moment. Alors, allons plus loin. Devant tant de négligence ou d'imprudence, on peut se poser des questions. Elle était volontaire ou involontaire? Bon, avant de vous répondre, je voudrais ajouter quelque chose. Le 25 novembre... C'est-à-dire, 25 novembre, deux jours avant le départ de Cap. Oui, c'est ça. Donc le 25 novembre, on signale le départ de Gibraltar d'une importante escadre anglaise en direction de l'est de la Méditerranée. L'est, donc, vers l'Italie. Oui, hein, l'Italie, qui, c'est évident, ne pourra pas laisser passer cette escadre sans réagir. Ouais. On peut donc s'attendre à une bataille navale? À tout le moins, une attaque de la chasse italienne. Or, si on fait un rapide calcul, on s'aperçoit que l'escadre britannique sera en vue des côtes italiennes au plus tard dans la matinée du 27 novembre. Ouais. Et Vichy, est-ce qu'on était informé du mouvement de cette escadre anglaise? Tout à fait. L'information avait même été publiée dans la presse. Donc, en maintenant le départ de l'avion de Cap pour le 27 novembre au matin, on risquait de faire passer le Farman au beau milieu d'une bataille aéronavale, puisque la ligne Marseille-Tunis frôlait justement les côtes italiennes. Ouais, mais enfin, c'était qu'une hypothèse. Bon, qu'il était quand même raisonnable de prendre en compte. Mais ce n'est pas tout. La veille, le 26 novembre, deux autres grands aviateurs, Jean Dabry et Paul Codos, reçoivent pour mission d'effectuer le vol Bizerte Marignane à bord d'un hydravion. Avant de quitter la Tunisie, leur chef d'escadrille leur indique qu'un combat aéronaval entre Italiens et Anglais vient de s'engager au large des côtes de Sardaigne. Alors que font-ils? Prudemment, les deux aviateurs décident de longer la côte africaine, puis ils piquent vers la France à hauteur de Beaune. Ils évitent donc la zone dangereuse. Oui, et ils arrivent ainsi sans encombre à Marignane, leur aérodrome de destination. Marignane, d'où doit justement s'envoler le Farman piloté par Guillaumet. Et vous pensez bien que lorsque Dabry et Codos arrivent à Marignane, ils s'empressent de prévenir leur ami Guillaumet et les autorités locales d'Air France. Ce qui semble normal. Et la conséquence logique aurait été qu'on remette le vol ou qu'on assigne au Farman une autre route aérienne, par exemple celle qui a été suivie par Dabry et Codos. Et pourtant, il n'en a rien été. Non. Et Guillaume obéissant a mis le cap sur la pointe sud-ouest de la Sardaigne, c'est-à-dire qu'il a strictement respecté les consignes qu'on lui avait données. Tout en connaissant le danger qu'il croit. Oui, mais le pilote n'était pas à masse dérobée. Et autant qu'on puisse le savoir... Est-ce que les passagers de l'avion, et parmi eux, d'abord Jean Cap, savaient... Ça, je ne sais pas. Mais j'imagine que Cap, qui détestait l'avion, aurait certainement refusé d'embarquer s'il avait été mis au courant. Ouais, alors j'en pose la question. Est-ce qu'on a sciemment envoyé Cap à la mort? Écoutez, après tout ce que je vous ai dit, on peut évidemment se poser la question. Mais dans ce genre d'affaires, il faut, je vous l'ai souvent dit, s'interroger sur le mobile. Pourquoi les autorités françaises, puisqu'elles portent l'entière responsabilité de ces coupables imprudences, auraient-elles pris la décision de se débarrasser de Cap, alors même qu'elles venaient de le nommer au haut commissariat en Syrie? Ça n'est pas logique. Cap avait sans doute aussi des ennemis au sein même du pouvoir, non? Sans doute. Mais quel homme politique de premier plan n'a-t-il pas d'ennemis? Mais non, franchement, je ne vois pas. Et puis, il aurait fallu un tel réseau de complicité. Alors, simplement un faisceau de négligence? Et d'incompétence, oui, ça, j'en suis persuadé. Mais il reste quand même une question capitale. L'identité de ceux qui ont mitraillé cet avion civil. On avait dit que les Anglais, s'ils savaient que Cap était à bord, avaient un puissant mobile. C'est juste. Mais est-ce que les aviateurs anglais engagés dans cette bataille aéronavale savaient que le Farman transportait l'ancien préfet? J'en doute. Et puis voyez-vous, personnellement, je pense que c'est peut-être un avion italien qui a abattu l'appareil piloté par Guillaume. Pourquoi? Parce qu'en analysant précisément les rapports militaires consacrés à la bataille du Cap Telada, comme on l'a appelé, on s'aperçoit que le Farman a vraisemblablement croisé la route de chasseurs italiens qui fuyaient le feu de la DCA de l'escadre britannique. Et dans leur retraite, apercevant ce gros quadrimateur, les Italiens paniqués ont tiré. Voilà sans doute la triste vérité. L'historien Alain Decaux a mené une longue et précise enquête sur cette affaire. Dans ses nouveaux dossiers déjà cités, il affirme, témoignage à l'appui, que c'est un avion italien qui a abattu le Farman qui transportait Jean Cap. Ces témoins, produits par l'historien, auraient lu dans la presse italienne un communiqué reconnaissant la responsabilité de l'aviation fasciste. Malheureusement, malgré ses recherches, Decaux n'a pu retrouver un seul exemplaire de journal confirmant ces témoignages. Mais le Figaro, du 31 décembre 1967, publie un document inédit sur la mort de Jean Cap. Document qui lui a été communiqué par Alain Decaux. Il s'agit d'une lettre d'un certain Jules Routin, qui était en 1940 technicien de la navigation aérienne en poste à Tunis. Le jour où le Farman qui transportait Jean Cap s'est abîmé en mer, M. Routin était en fonction. Il a parfaitement capté le message de détresse envoyé par l'avion et a eu le temps de relever les gisements de ses signaux radio. Il écrit ensuite ceci. J'appelle Beaune pour lui donner mon relèvement et lui demander le sien, laconiquement, des chiffres que chacun de nous reporte sur la carte par triangulation. Nous faisons le point. Pour ma part, je les transmets via mon chef de service pour les autorités compétentes qui ont alerté Bizerte immédiatement. Pendant toutes ces opérations, le casque sur la tête, je n'ai entendu que des avions italiens qui rentraient sur Cagliari parce que touchés par la DCA. L'un avait signalé rentrer en feu. Le drame était déjà clair pour nous, puis le devint certain lorsqu'un avion italien transmis à Cagliari avoir abattu un gros appareil inconnu. Nos doutes devenaient une vérité quand, dans l'après-midi, Radio Rome confirmait l'information, ce dont il n'a plus été question les autres jours, sachant qui était à bord. C'est à ma connaissance le seul témoignage incontestable qui établit que l'avion piloté par Guillaumet a été réellement descendu par les Italiens.